L'ancienne passion de Léon pour Emma s'est réveillée à la suite de cette rencontre. Il lui en fait l'aveu le lendemain et triomphe rapidement de ses scrupules. Rodolphe est oublié et Emma s'engage dans une nouvelle intrigue. Sous prétexte de prendre des leçons de piano, elle se rend régulièrement à Rouen chaque jeudi pour y rejoindre Léon. Mais elle ne tarde pas à se rendre importune par sa tendresse de plus en plus tyrannique. En outre, comme elle dépense sans compter, elle accumule dette sur dette à l'insu de son mari et tombe entre les griffes d'un usurier. Elle a souscrit pour 5 000 francs de billets à ordre qu'elle ne peut payer et, menacée de saisie, va vainement implorer du secours auprès de Léon et de Rodolphe. Mais ni l'un ni l'autre ne répondent à son appel et elle rentre chez elle, désespérée.